choqué. Ça c'est pour tous les aïkos de France. Traficage de faves, décolorage de peau. Présente quand même, on est là. Ouais ouais. Soldats sans grade, despo, esco, Youssoupha, poison. On voulait du lourd, j'ai répondu à l'annonce. À ta question, Escobar, Maxson, c'est la réponse. Mon rap, c'est la guerre. Kaki, carré, nique les coques de peau cave. Dès que sa mère, dont vient me renifler le cul. Passer des couilles en béton alors. Si ma vie est vache, que les pédales aillent se faire traire alors. C'est pas un putain de proverbe de biscuit chinois. Baisse la tête, enlève tes joues si tu veux rentrer chez moi. Passer la barre des 107 loqué. Ici du ghetto 100-7, gauche, droite, brise ton pao, low kick. Viens pas me chausser. J'desire pas RDC. Parce que dans mes bâtiments ça veut dire être chaussé. Les mastas vont et viennent mais les ennemis s'accumulent. Youssoupha, Despo, Poison et moi on annule ton calcul. Tu voulais le curriculum vitae. La même furie, ESCO dans la tuerie, l'homme invité. Je viens d'Afrique et je bosse pour nourrir la mif. Bosse, bosse, bosse pour nourrir la mif. Je viens d'Afrique et je bosse pour nourrir la mif. Bosse, bosse, bosse pour nourrir la mif. J'ai pas la gueule d'un riverain de Monaco. J'inspire plutôt braco. Cherche du taf en boubou, j'ai brûlé vos starco. J'ai les gros, l'envie de tout baiser comme un puceau devant le boule d'une baronne Z. Moi j'avance en scred, je suis ce jeune Z. À la face d'un dingari qui veut percer dans le move à la Christophe Dugarry. En ce moment j'taffe dans le porno. J'passe mon temps enculer la France à mettre le canon sous la tente des bolos. Tu surécoutes quand tu m'appelles, parle en Ingala. Les keufs ont le bélier, à 5 du match j'suis dans un ganda. Papa Wemba m'envoie un texte du j'tar. Il a pris que le dombolo s'est fait couper, décalé dans un bar. Viens pas test, on est trop sale. Depuis le berceau maman m'a prené à courir plus vite que les balles. J'viens d'Afrique, j'pose pour nourrir la mif. C'est pour ça j'me pointe au guichet, cagoulé pour du fric. Poison d'espo, esco, Youssoupha. C'est pas de la agra, mais on veut tous en sortir comme à Koh-Lanta. J'viens d'Afrique, j'bosse pour nourrir la mif. Bosse, bosse, bosse pour nourrir la mif. J'viens d'Afrique, j'bosse pour nourrir la mif. J'bosse, bosse, c'est bosse pour nourrir la mif. Mon frère, tu colores la peau, fous la honte. Mais j'l'aime quand même, t'as vu. J'y peux rien s'il veut ressembler à Craig David. T'entends le flamme au poutou, négro. J'ai des papiers de la détermination à revendre. J'suis un danger pour le rap et ton rap. Les pieds dans les Nike Air Shox. J'ai des incous qui se tapent pour des arrêts de tilapia. De chaque PD, j'ai violenté. C'est un mélange de Mob Deep et de Confio le Mubi. La tchatche des rappeurs passe par l'ascenseur. Mon talent passe par des escaliers crasseux avec des grosses flaques de bis. Stéréotypé en youth. À ce qui paraît, y'a le pied gauche de Kunta qui était empalé dans les bureaux à George W. J'suis d'Arnie Gizé. J'dépouille les skills des caries. Si tu savais, dis que de la merde avec. C'est l'outil t'étais en mode burn-out pour ton enterrement. Sans quoi merde, Nao. J'viens d'Afrique et j'bosse pour nous à la mif. Bosse, bosse, bosse pour nourrir la mif. J'viens d'Afrique et j'bosse pour nourrir la mif. Bosse, bosse, bosse pour nourrir la mif. On vient dérégler les bang bang. Les flics béguent tapent depuis que les chégués ont des faves dans l'espace Schengen. C'est la mauvaise graine, yeah. Ils disent que c'est la fin des haricots. Mais y'a du biche chez les aïkos. La France est psycho. Trop de aéros en starco. Déjà roi et sarco, ajoute le désarroi. Difficile à croire mais on résiste. Y'a des cléons qui ont des chemises à 1000$ en étant RMiste. On prend des risques surtout pour mon entourage. Leur courage et mes lyrics, je les soulage un peu dans mes disques. On vit par terre, mauvais feeling. Bientôt on sera tous dans un charter en direction d'un Gilly. Toujours en place, toujours ékengé. Rien à foutre, Jay-Z et Nas. Moi je veux réunir les Wengé. Les MCD, Youssoupha ci, Youssoupha ça. Mais je m'en tape de leur litige, je suis pas d'ici, je suis de Kinshasa. Je viens d'Afrique et je bosse pour nourrir la mif. Bosse, bosse, bosse pour nourrir la mif. Je viens d'Afrique et je bosse pour nourrir la mif. Bosse, bosse, bosse pour nourrir la mif.